بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثاره متفهم بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى نواقض الإسلام فانتقلها هنا رحمه الله تعالى بعد أن بين شروط لا إله إلا الله وأدلتها après qu'il a évoqué les conditions de لا إله إلا الله et كذلك les preuves qui montrent que ces sept choses qu'il a apportées font partie des conditions de لا إله إلا الله الآن nous rapporte نواقض الإسلام les choses qui annulent l'islam فالإنسان إذا دخل في الإسلام يدخل بيقين la personne qui rentre dans l'islam il rentre dans l'islam بيقين كما قلنا لأن من شروط لا إله إلا الله اليقين كذلك إذا خرج منه إذا سيممكن كذلك يبقى سخصير لكن لا يخرج من ذلك إلا بيقين فلا يجوز هذا كمقدمة كنجوج يعني دول إسلام دون برسان نحكم على إسلامه إلا بيقين اكسبت بقوة بسخصير وكذلك إذا خرج من الإسلام وارتكب ما يجب الخروج من الإسلام il a fait une chose qui implique qu'on juge يعني que c'est un apostat qu'il est sorti de l'islam كذلك باليقين كما سيأتي فهذه النواقض qu'il a évoqué هو رحمه الله تعالى من حيث بارتلو فيك من حيث العموم يعني de manière يعني générale أما يعني le jugement sur l'individu المعين فهذا يحتاج إلى إقامة الحجة ويحتاج إلى الصبر ويحتاج إلى الرفق يعني c'est pas toute personne qui est rentrée qui a fait un de ces annulatifs qu'on juge directement qu'il est quoi qu'il est sorti de l'islam تمام فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هو يصبر كثيرا يباشنتي كثيرا avec ceux qu'ils avaient برتلوفيك أن سوء الخلق معه il avait un mauvais comportement avec lui qui le dénigrait lorsque النبي صلى الله عليه وسلم يعني قسم يعني في المال فجاء رجل فقال إن هذه القسمة ما أعدل فيها وما أريد به وجه الله il a dit au prophète صلى الله عليه وسلم que le partage qu'il a fait n'est pas égal. Et il n'a pas recherché l'agrément d'Allah Azza wa Jal yani dans ce partage-là. Yani ta'ana fi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa kadhalika dhaka al-sahaba alladhi qala aw kana li ibn ammi lorsqu'il a yani un des sahabi qui avait un jardin et dans ce jardin-là passait comment s'appelle il avait de l'eau qui passait dans ce jardin-là et une autre personne voulait que son jardin il soit abreuvé avant l'autre. Donc ils sont partis, يعني تحاكموا عند النبي صلى الله عليه وسلم. Ils sont partis voir qui avait le droit d'avoir l'eau en priorité. والنبي صلى الله عليه وسلم حكم لواحد. تمام. فالثاني لا غضب. Il n'a pas été content du jugement. Il a dit tu lui as donné raison parce que c'est ton cousin. Parce que c'est quelqu'un de ta famille. فطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى الأقوال qu'ils ont pu évoquer يعني certaines des personnes qui étaient à l'époque du prophète Sam et qui ont prononcé de telles paroles à notre époque si une de personnes yani, réitère ces mêmes propos on doit yani, le juger de la mécréance فَنَبِي صَلَّمْ سَبَرَ عَلَيْهِمْ il a patienté par avance sur cela sur ces personnes-là qui l'ont dénigré yani, en espérant que inshallah tabaraka wa ta'ala que leur islam il soit meilleur فَمَا تَحَجَّلَ النَّبِي صَلَّمْ سَبَرَ عَلَيْهِمْ il ne s'est pas précipité فكذلك الآن سنواقض الإسلام من حيث العموم تمام يعني الكافر يعني يدخل النار تمام après lorsqu'on va juger sur l'individu il faut regarder si vraiment cette personne là يعني mérite ce jugement là تمام فنواقض الإسلام ça c'est مهم جدا et c'est خطير كذلك جدا مهم جدا le fait de les apprendre afin de pas tomber dedans afin d'être sain et sauf, il y en a des choses qui annulent l'islam sans s'en rendre compte. Et kazalika c'est khatir si jamais la personne il s'en sert mal. Il juge comme ça, sans ta'akkud, sans bien regarder, sans rifq, sans douceur, sans nasiha. Il y a ta'ajjal et il fait des dégâts avec ses nawaqid de l'islam, les amal compris, les amal appliqués, les amal distribués. Enfin, c'est muhim jiddan d'un côté et c'est khatir jiddan d'une autre part. Fait dans ce genre de procédé, il faut revenir au quoi, au ulama. on revient aux ulama, même si jamais c'est les choses qui sont wadihah. Parce qu'on est dans un zaman où kathura al-jahl. Kathura al-jahl, yani fi al-umur al-din, fi usul al-din. Donc on revient aux ulama, comme il dit subhanahu wa ta'ala, « وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ يَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانِ إِلَّا قَلِيلًا. » Cette ayah-là, elle nous montre le comportement qu'on doit avoir dans ce genre de situation-là. Lorsqu'il y a une affaire qui est importante, on ne doit pas se précipiter. « إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ. » Une affaire qui touche, parce que le fait qu'il y a une الأمن والخوف. On ne doit pas se précipiter. أذعوبي. Ça, c'est les gens qui se précipitent directement. Ils voient une chose, ils se précipitent. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو ردوه إلى الرسول. Si jamais, au lieu de se précipiter, ils seraient revenus vers le prophète, صلى الله عليه وسلم, et ça, à notre époque, ça demande de revenir à sa sunnah. À leur époque, ils revenaient directement à lui. À notre époque, on revient à la sunnah du prophète, صلى الله عليه وسلم. وإلى أولي الأمر. Minhum, et ceux qui ont le commandement. Et ça rentre dedans al-qudha, les juges, qui sont bien guidés. Et kadhalika al-ulama. Kadhalika al-ulama. Fa narji' al-umur ila hawla. Limadha qala subhanahu wa ta'ala la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Eux, ils vont vraiment juger, inshallah, yani, selon l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnée. Ils vont déduire la bonne parole de cette situation-là. Fa, ça nous montre qu'il ne faut pas se précipiter. Naam. Cette ayah est muhim jiddan. Elle est muhim jiddan. Et on doit revenir aux ulama. Et alhamdulillah, dans notre époque, il y en a énormément. Et surtout avec, maintenant avec les wasail al-ijtima'iyah, même les réseaux sociaux, c'est simple maintenant d'avoir une réponse d'un alim. Donc, on doit revenir. Même si c'est parmi les choses qui sont vraiment wadiha, le fait de sortir quelqu'un de l'islam, c'est pas quelque chose qui est sahl. Donc, il faut pas avoir de la négligence par rapport à cela. Donc, ça, c'était qu'un muqaddima. Par rapport à ces nawaqid al-islam, comme on a dit, elles sont importantes pour s'en écarter et kazalika à son khatira. Al-khawarij, sans parler de nawaqid al-islam, en parlant juste avec al-kabira. Juste en partant, en parlant avec les kabira, les grands péchés qui ne font pas sortir de l'islam, ils ont fait des dégâts. Ils ont fait sortir de l'islam les gens qui en faisaient partie. Et ça, c'est grave. Comme a dit le Nabi Sassam dans le hadith al-sahih, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخي يا كافر فقد باء به أحدهما. Si jamais une personne a dit à son frère يا كافر لأخي المسلم يا كافر فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقد باء به أحدهما. C'est-à-dire que ce jugement-là va revenir sur l'un des deux, soit sur celui qui a dit يا كافر ou soit sur celui qui a été dit comme كافر. Si jamais c'est vrai, يعني il a fait une chose qui implique يعني la sortie de l'islam. فقال له كافر بحق يعني بموافقا لما كفا لأدلة من كتاب السنة فسجلمه لا يصير appliqué sur cette personne là. لكن si jamais c'est faux, il s'est trompé, تمام, تعجل فيه, il s'est précipité, alors que يعني on ne doit pas juger cette personne là de كافر لا de كافر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ça va revenir sur lui, يعني c'est pas qu'il va sortir de l'islam, ليس هذا هو المراد. لكن si jamais un des deux devrait sortir de l'islam, c'est celui qui l'a dit par erreur qui est plus à même d'en sortir. Qui est plus à même d'en sortir. Yani, il a commis un grand péché. Ça ne veut pas dire qu'il est sorti de l'islam, lakin, c'est qu'il a commis une grande erreur. Et un péché qui est énorme. Donc, yani, ça nous montre de ne pas avoir de négligence et surtout de ne pas se précipiter. Parce qu'il n'y a pas de maslaha, il n'y a pas de profit pour toi. Au contraire, c'est que des dégâts. Donc, si on revient au ulama, alhamdoulilah, le but c'est quoi? C'est que le jugement soit établi. Que ce soit toi ou le alim. Le but c'est que le jugement soit établi. Certains ils aiment que al-haq et que la kalimat al-haq tazhar minhum, qu'elle apparaisse, qu'il y en ait de eux. C'est pas ça qui est le plus important. Le plus important c'est que le jugement soit bien établi. Que ce soit toi qui l'ai dit ou que ce soit un halim. Et c'est mieux que ce soit un halim. Même si jamais, مثلا, dans certaines des situations, le talib al-ilm ou celui qui est mutamakkin, qui a atteint un stade qui peut lui permettre de juger, comment ça s'appelle, sur certaines personnes, par rapport au péché qu'ils auront fait, par rapport au ilm qu'il a eu, et il est connu comme étant une personne qui a une indépendance dans la science, qui peut déduire, inshallah, par lui-même. Même dans ce cas-là, si jamais il n'est pas connu, c'est mieux qu'il ne juge pas. Même si jamais il a le haq, maha. C'est mieux qu'il ne juge pas, il patiente, et qu'il revienne vers quelqu'un dont la parole est acceptée. Les grands ulama, yani, fi zamanina, que Cheikh Al-Fawzan, wa ghayrihim, Cheikh Yahya, yani, ulama qui sont kibar, qui reviennent vers eux, comme ça, eux, lorsqu'ils parlent, généralement, alhamdoulilah, il y en a, tout le monde écoute. Alors que si jamais c'est un talib, il y en a qui est peu connu, ça peut faire une fitna dans le sens où certains, ils vont pas accepter la vérité parce qu'il est jeune, ou parce qu'il n'est pas connu. Pas parce qu'il n'a pas dit la vérité, parce qu'il est jeune, parce qu'il n'est pas connu. Donc, au lieu de créer, comment s'appelle ce climat là, dans lequel il y a une fitna, un peu de désordre, un peu de khilaf bayn al-ikhwa, on revient vers qui, un alim, vers qui, inshallah, la parole va de quoi? Accepter et écouter. Donc, l'insan, mahamakan, il n'y a que du khair. Il n'y a que du khair à revenir vers le ulama. Surtout dans ces genres de situations-là et ces genres d'affaires-là qui impliquent la sortie de l'islam. Ça, c'est. كما قدم يعني في هذه النواقد الإسلام والكلام فيه كثير إن شاء الله تبارك وتعالى ويان كتاب حتى الشيخ الإسلام ابن شيخ الإسلام النجدي رحمه الله يان كتاب يعني مستقل إلا بخي دي سي يعني celui qui a écrit ce livre là il a pris de ce livre que les ulama ils enseignent يعني على استقلاله c'est un livre يعني à part entière فنواقد الإسلام ça vient du verbe نقضى في اللغة العربية نواقيد سمأخوذ سيتي بخي دو قوان نقضى نقضى بمعنى ضد الإبرام سي لو في دو دانولي اون شوز دو لا رومبخ تمام دانولي اون شوز دو لا رومبخ كما قال سبحانه وتعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها بمعنى lorsque tu as juré lorsque tu as prêté serment tu dois faire tout ton possible pour tenir ton serment et pas le rompre et pas l'annuler ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. Il ne faut pas rompre les serments après les avoir dit. Tamam. Yani bi ma'na hada. Fa nawaqid, ça vient de naqada, qui a le sens de rompre, qui a le sens de coupure, qui a le sens de annuler. Tamam. Hada huwa al-murad bi dhalika. Fa nawaqid, ça c'est le jam' de naqid. Tam ism fa'il. Al-ism fa'il naqid. Et son jam' c'est nawaqid. Donc là c'est quoi? Al-ashya allati tanqud al-islam. Al-nawaqid bi ma'na يعني سجمع ناقد والناقد اسم فاعل دو ناقضة ناقد الإسلام لكن il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. C'est pour ça qu'il a mis le jam' نواقد الإسلام فناقد c'est le مفرد de نواقد أي الشيء الذي يبطل ويقطع الإسلام بعد ثبوته بعد ثبوته فهذا هو النقد يعني في اللغة العربية c'est le fait de rompre de couper d'annuler إلى آخره. فقال نواقد الإسلام. الإسلام لغة ça vient du verbe سلاما. السلاما بمعنى être épargné. تمام. يعني lorsque tu dis نسأل الله عز وجل السلامة. يعني tu demandes à Allah سبحانه وتعالى qui t'épargne يعني d'un mal إلى آخره. Ça vient de سلاما. تمام. الإسلام بمعنى سمأخوذ بسلاما. والمراد هنا الإسلام كما قال ابن فارس رحمه الله تعالى. قال هو الانقياد الإسلام في اللغة العربية بمعنى الانقياد la soumission الإسلام بمعنى الانقياد pourquoi parce que celui qui s'est soumis plutôt a épargné si on peut dire cela تمام sa personne من التكبر والامتناع يعني سلم كما قالوا سلم من الإباء والامتناع وفي الشرع له معنيان il a deux sens. Une ma'na qui est âme, qui est chamel li kulli al milal. Moussa c'est un muslim, Isa c'est un muslim, Ibrahim c'est un muslim, Al-Anbiya, kulluhum muslimun. Fait y a un islam qui est âme, c'est-à-dire qui touche toutes les milal, toutes les religions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu. Et il y a l'islam qui est quoi? Qui est khas, c'est celui dont est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fait l'islam al-âme, celui qui est âme, qui touche toutes les milal, toutes les religions, toutes les révélations, هو بمعنى كما قال العلماء الاستسلام لله بالتوحيد comme on a pu voir والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله comme on a pu le voir dans le tout début du cours c'était إذا قيل لك ما دينك si je me rappelle bien إلى آخره donc la définition elle est évoquée ici. Ça c'est l'islam qui est quoi? Qui est âme, qui est global, qui touche toutes les religions et toutes les révélations qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé. Fa bima'na al-islam wa bit-tawhid, se soumettre à Allah azza wa jall par l'unicité. Tam. Wa al-inqiyad lahu bit-ta'a, se soumettre à son obéissance et al-bara'a, se désavouer de ash-shirk wa ahlihi. Fa hadha c'était 'am dans toutes les milal. toute religion qu'Allah Azza wa Jalla l'a fait descendre a comporté ces trois sens-là. D'adorer Allah Azza wa Jalla bit-tawhid, de se soumettre à lui et de s'écarter du shirk et des gens qui et des polythéistes. Wa al-islam al-khas, c'est la même définition que l'âme, sauf que tu dis à la fin bima ja'a bihi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-islamu lillahu bit-tawhid wa al-inqiyadu lahu bit-ta'a wa al-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi wa kullu dhalika bima ja'a bihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'on se soumet à Allah azza wa jalla par le Coran que Allah azza wa jalla a descendu sur an-nabi sallallahu alayhi wa sallam et par la sunna par laquelle il est venu expliquer le Coran. C'est-à-dire que al-milal al-ukhra, on ne doit plus les appliquer, on doit appliquer que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam le Coran. Naam, fa hadha huwa al-islam al-khass. Tam alladhi ja bihi an-nabi sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallam. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala walladhi نفس بيدي لا يؤمن بي رجل من أمتي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. يعني toute personne qui aura entendu ma venue et après cela n'aura pas cru en ma venue, qui soit yahoudi ou bien nasrani et qui ne fait pas cela sera parmi les gens de l'enfer. Le hadith il est في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Ça nous montre que on doit suivre le prophète صلى الله عليه وسلم. وحتى كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس بيدي لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي. وهذا كذلك في الصحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم par celui qui détient mon âme entre ses mains, si Moussa était vivant عليه السلام il aurait été obligé de suivre ma révélation et il aurait été obligé de me suivre. وعيسى عليه الصلاه والسلام اذا جاء يوم القيامه, اذا جاء يعني قبل يوم القيامه فينزل ويحكم بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il va juger par la religion de par laquelle est venu le prophète صلى الله عليه وسلم et pas par la religion sur laquelle il était avant la venue du prophète صلى الله عليه وسلم. فذلك قال سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا. فشكان الى des préceptes et des règles qui sont différents لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر قال الانبياء اخوه علات دينهم واحد وشرائعهم شتى. Les anbiya sont des frères, ikhwatu allat, c'est-à-dire des frères du côté du père. Yani ils ont le même père. Dinuhum wahid, leur religion est wahid, c'est-à-dire c'est tawhid. Washara'ihum shatta, ils ont des préceptes et des règles qui sont différentes. Naham. Fa al-islam al-am, c'est celui qui est plutôt le khas, c'est celui qui est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa al-an al-murad bi nawaqid al-islam, il va parler des nawaqid qui sont évoqués, des annulatifs qui sont évoqués dans le kitab de la sunna dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, et non pas les nawaqid, les annulatifs qui ont été évoqués dans les religions précédentes, parce que l'islam qu'on a pu voir ça englobe kadaïque les religions qui sont précédentes. Lakin, ce qui est voulu ici c'est ce qui est venu le prophète, c'est avec ce qui est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa nawaqid al-islam, il y a l'islam, il y a l'iman. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a expliqué l'islam avec al-arkan al-khamsa, les cinq piliers. Il expliquait l'iman avec les arcana sita. Donc est-ce que ça veut dire que nawaqid al-islam, il va nous parler des nawaqid, des annulatifs qui sont liés aux cinq piliers de l'islam? C'est pas ça le murad. Il va pas parler des cinq piliers de l'islam. C'est pas al-murad bidhalika nawaqid al-arcana al-khamsa. Parce que les cinq piliers c'est l'islam. Lama sa'alahu Jibril fil hadith al-ma'loum qala ma l'islam faqala أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. فإلى إسبيك الإسلام par ces cinq piliers là. Donc on peut comprendre que نواقد الإسلام c'est les annulatifs des cinq piliers. Non, c'est pas cela ce qui est voulu. الإسلام هنا بمعنى الدين. Il veut dire par là الملة. Le دين. نواقد الدين. يعني de celui dont est venu le prophète عليه الصلاة والسلام. فالإسلام il peut être évoqué. Et ce qui est voulu par là, c'est l'islam ou l'iman. La religion en entier, comme ils ont dit les ulama, l'islam, idha ufrida, shamil al-iman. Le islam, lorsqu'il est évoqué, à part, il comprend kadhalika al-iman. Et lorsqu'ils sont réunis dans une même phrase, l'islam, ce sera les arkan al-khamsa, qui sont ma'louma, et l'iman, ce sera les arkan qui sont quoi? As-sitta. Pareil avec l'iman. Lorsque l'iman il est évoqué de manière générale, ça englobe kadhalika l'islam. C'est pour ça que dans le hadith Ibn Abbas, muttafaqun alayh, lorsque des gens sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faqalu mal iman. Ou qala le nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala atadru mal iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, savez-vous qu'est-ce que l'iman? Faqalu Allah wa rasuluhu a'lam. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا من الغنم الخمس. Il a dit l'iman c'est l'arcane de l'islam. Shahadatan, faire la prière, la zaka, al-siyam, et il a dit كذلك de donner الخمس من الغنم. Lorsque il y en a par rapport au butin, de donner un tiers, ou plutôt un cinquième du butin lorsqu'il y a, comment ça s'appelle, une guerre. Il a évoqué à Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'iman bi arkan al-islam. Les ulama ont dit l'iman lorsqu'il est évoqué tout seul, il implique kadhalika, il comporte kadhalika al-islam. Wa kadhalika al-islam lorsqu'il est évoqué tout seul, il comporte kadhalika al-iman. Donc nawaqid al-islam, c'est nawaqid al-islam, c'est-à-dire les a'mal qui sont zahira, les œuvres qui sont apparents. Qala wa kadhalika nawaqid al-iman. C'est comme ça que c'est dit nawaqid al-islam wa al-iman. Donc c'est nawaqid al-din. Donc là, c'est pas seulement les œuvres qui sont apparents, et ce n'est pas seulement les annulatifs qui sont en relation avec les cinq piliers de l'islam, lakin qui sont en relation avec la religion. Avec la religion. Fa nawaqid al-islam bima'na nawaqid al-islam wal-iman. Donc là, c'est nawaqid al-din. Qala rahimahullah ta'ala, qala i'lam anna nawaqid al-islam 'ashratun. I'lam, hadi kalimatun, yani fi'l amr. C'est un ordre. Il te conseille de connaître. Et comme on a pu voir, c'est normal parce que c'est important de connaître ces choses-là. Parce que l'insan, l'amboudanahu, il commence à pas yuhafid ala dini, qui préserve sa religion. Et préserver sa religion, c'est étudier les choses qui vont l'annuler. Comme a dit Hudayf ibn al-Yaman, كنت كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Les gens avaient pour habitude de questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les choses qui étaient dans le bien, et moi je questionnais dans les choses qui étaient relatives au mal, de peur que le mal me rattrape. Donc kadhalika hahuna, ani talab al-ilm, connaître les choses qui te font sortir l'islam. Qala i'lam, wa hadhihi al-kalima, on l'utilise dans la langue arabe pour les choses qui sont importantes. Tu dis pas i'lam et ensuite tu ramènes une chose qui est anodine ou une chose qui n'a pas de sens. Lorsque tu dis i'lam, c'est que derrière cela tu vas rapporter une chose qui est vraiment importante. C'est pour ça que tu l'alertes avec cette kalimette-là, i'lam. Tamam. Wa kathiran ma yastakhdim dhalika Cheikh al-Islam rahimahullah, i'lam rahimakallah, i'lam ila akhirih. Tamam. Wallahu 'azza wa jalla qad qala fi kitabih i'lam annahu la ilaha illallah. Fait cette kalimette-là, elle n'est pas utilisée n'importe comment. Tamam. I'lam, et ensuite tu viens, tu ramènes une bêtise ou bien une chose qui n'a pas de sens. I'lam. Donc là, tu veux l'alerter sur une chose qui va être quoi, super importante. Tamam. Donc là, cette kalimat-là, la tustakhdam illa fi al-ahamiyya, que dans les choses qui sont importantes. Et kun muta'alliman, i'lam bima'na, kun muta'alliman, et renseigne-toi, apprends. Naham. Anna nawaqid al-islam, on a pu voir, donc nawaqid al-din, asharatun. Là, ce qui est voulu par ashara, c'est pas que nawaqid al-islam soit limité à 10. Au contraire, c'est, dans le fiqh, il y a un bab qu'ils appellent bab al-ridda. Le chapitre de l'apostasie. Et dans ce chapitre-là, ils évoquent de nombreux annulatifs de l'islam. Lakin al-murad bil-ashara huna aradahu wa rahmahullahu ta'ala imma allati hiya bartlofik akhtaruha, les plus dangereux. Les plus dangereux à l'insan. Ou arada bidhalika huwa rahmahullahu ta'ala les plus propagés. Aktharuha intisharan, celles qui sont les plus propagées au sein de la communauté. Et dont les gens ils sont insouciants, ils ne savent pas qu'elles font partie de nawaqid al-islam. Aw allati hiya mujma'un 'alayha. Allati hiya mujma'un 'alayha, celles dont les ulama sont unanimes. Tam. Walladhi yadhhar wallahu a'lam, c'est celles que tantashir akthar. C'est celles qui sont le plus répandues et dont les gens sont dans une insouciance. Ils ne font pas attention à cela. Tam. Li'anna al-mujma' 'alayha, celles qui sont unanimes sont au-dessus du nombre de 10. Fait certains des shurrah, de ceux qui ont expliqué la nawaqid d'islam, ils ont dit, il a voulu dire par là, il y en a les 10 annulatifs dont les ulama sont unanimes. Il n'y en a pas que 10. Au contraire, l'unanimité des savants sur les annulatifs, ils sont beaucoup plus nombreux que 10. فَالَذِي يَظْهَرُ اللَّهُ أَعْلَمُ, c'est celle dont ils sont plus répandus. وَشَيْخَ الْإِسْلَامَ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَلَى, celui qui a pu lire ses kutub, lorsque je dis Cheikh l'Islam, Ani Anajdi, celui qui a pu lire ses kutub, il peut voir que généralement, il évoque des choses dont c'est beaucoup propagé et dont les gens sont insouciants et ne font pas attention. Comme dans Usul al-Sitta. Il évoque des choses et il dit c'est étonnant que des gens ils prétendent la science et connaître les choses et ils ignorent ces fondements-là qui sont importants. Et il a évoqué le premier fondement, c'est le shirk. Ils ignorent le shirk, ils ignorent qu'est-ce que vraiment est tawhid. Fawallahu alam al-Nadi, c'est celui qui a un peu lu les kutub de Cheikh l'Islam, rahimahullah. Al-Najdi, il voit à peu près comment il fonctionne et comment il raisonne. Il évoque les choses généralement qui sont énormément répandues et dont les gens sont insouciants, ils ne font pas attention. Ou bien ils jadil fi. Ils polémiquent dessus, ils débattent dessus. Et ils prétendent que ça ne fait pas partie des annulatifs. Tu vois. Donc là, il est venu nous informer au sujet de ces annulatifs qui sont énormément, wallahu a'lam, propagés et dont il y a des polémiques qui sont faites dessus alors qu'il ne doit pas en avoir. Ce qu'il a évoqué, c'est selon l'unanimité des ulama. Les ulama sont tous unanimes que celui qui tombe dans un de ces annulatifs, il sort de l'islam. Donc ils sont moujma'un alayha, ça c'est clair et net. Lakin, ceux dont ils sont unanimes ne sont pas qu'au nombre de 10. Donc ils sont tous moujma'un alayha, lakin, c'est le plus répandu, wallah alam, et dont les gens sont insouciants. Qala al-awwal. Qala al-shirku fi ibadatillahi ta'ala. L'association dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَبَدَأَ بِهِ لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. C'est le droit d'Allah عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. والحديث في الصحيح. Il a commencé par cela parce que c'est le droit d'Allah عز وجل. Et ce qui est les droits d'Allah Azzawajal sont plus à même d'être évoqués en premier. Bien Allah Azzawajal, huwa al-A'la, wa huwa al-Akbar. Faqala al-shirku fi ibadatillahi ta'ala. Fait shirk, bil-lugha al-arabiyya, c'est fait d'associer. Tamam. Associer, c'est une chose qui est ma'louma, bil-lugha al-arabiyya. Wa amma fi shara, c'est-à-dire dans la religion, al-shirku, qala al-ulama, taswiyatu ghayri Allahi billah. Fi makhtassa bihi, Al-Ilah. Taswiyatu, c'est le fait de mettre à égal. Taswiyatu ghayrillahi billah. Mettre à égal, autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal. Fi makana min khasa'isihi. Parmi les choses qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala. Les choses qui sont spécifiques à Allah azza wa jal. Fi al-rububiyya. Fi al-asma wa sifa wa kadhalika fi al-uluhiyya. Fa man ashraka fi shay'in min hadhi al-thalatha. Il est considéré comme un mushrik. Et quand on dit cela, c'est min bab al-umum. On ne parle pas de quelqu'un bien précis. Min hayth al-umum. Celui qui fait du shirk, c'est un mushrik. Ensuite, fulan ibn fulan, est-ce que c'est un mushrik? Ça, c'est une autre histoire. Mais là, on parle de quoi? Min hayth al-umum. Man ashraka fa huwa mushrik. Man ashraka fa huwa mushrikun billah subhanahu wa ta'ala. Fashirk bada bihi lana huwa a'zama al-dhunub. C'est le plus grand des péchés. قال فيما أذكر معاذ فقال ما أعظم ما أكبر الذنب وما أعظم الذنب quel est le plus grand péché فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. Le plus grand des péchés, c'est que tu mettes un égard à Allah subhanahu wa ta'ala alors que c'est lui qui t'a créé et autre qu'Allah azza wa jalla ne crée pas. Donc si jamais c'est lui qui t'a créé, comment tu peux adorer autre que lui? Cette grande ni'ma là qui est le fait qu'il t'a créé, que tu es devenu une créature, personne ne peut te la donner en dehors d'Allah azza wa jalla. Donc cela suffit pour que tu l'adores uniquement. U'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Adorez celui qui vous a créé. Donc si jamais il adore un autre qu'Allah azza wa jalla, c'est comme s'il avait prétendu que cet autre l'avait créé. Parce que celui qui mérite d'adorer, c'est celui qui crée, c'est Allah azza wa jalla, al-khaliq. Naam, fahada, ça fait partie des plus grands péchés. C'est le plus grand péché. Bi ash-shirku billah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus grand des zulms. Ash-shirku billah subhanahu wa ta'ala, inna ash-shirka la zulmun عظيم نعم وهذا الشرك قد يكون بيش بالقول كم تلك دي ما شاء الله وشئته تمام وقد يكون بارك الله فيك بالجوارح بالفعل كالذي يسجد لغير الله عز وجل كسبوستر فانك الله سبحانه وتعالى وقد يكون كذلك بالاعتقاد كأنه يعتقد أن غير الله له الأسماء الحسنى وأن غير الله عز وجل يخلق ويرزق تامل على conviction كأن الله عز وجل دون la substance qui crée et qu'elle est plus beau des asma. فالشرك c'est dans ces trois أنواع là, dans ces trois catégories là. إما في الاعتقاد dans les convictions dans la عقيدة إما في الأقوال dans les paroles وإما في الجوارح et dans les actes. تمام. فالشرك يدخل في هذه في هذه الثلاثة. نعم. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدل على إيش؟ أنه عظيم جدا. ففي هذه الآية أبان الله عز وجل exposé الله عز وجل exposé que il pardonne tout péché excepté celui qui lui associe. قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Et celui qui meurt sur cela, ça c'est ça qui évolue. أمن مات على ذلك مات على الشرك فالله سبحانه وتعالى لا يغفر له إن الله لا يغفر أي لمن مات على الشرك. Il ne pardonne pas comme la personne qui est mort sur l'association. أما celui qui a associé Allah عز وجل ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى فتاب الله عليه. ليس المراد que Allah عز وجل ne pardonne pas le shirk في الدنيا. لا, il pardonne le shirk في الدنيا. لكن من مات على ذلك il ne pardonne pas. كما قال سبحانه وتعالى قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله عز وجل pardonne tous les péchés et parmi cela الشرك. لكن si jamais il est encore en vie في الدنيا أما في الآخرة et si il meurt sur cela فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر له. Tout autre péché pardonne excepté الشرك. Et صحيح على الصحيح c'est que le shirk, l'ashar, كذلك, لا يغفره سبحانه وتعالى لمن مات عليه. Celui qui va mourir sur le shirk et l'ashar, Allah عز وجل, il ne le pardonne pas aussi. في خلاف بين العلماء. أما الشرك الأكبر, ils sont tous unanimes. Que celui qui meurt sur le shirk الأكبر, Allah عز وجل, il ne pardonne pas. لكن الشرك الأصغر, اختلف فيه العلماء. والصحيح, l'avis qui est prépondérant, والله أعلم, qui est plus juste, c'est de dire que celui qui meurt, كذلك, sur le shirk et l'ashar, Allah سبحانه وتعالى, il ne le pardonne pas. الدليل, هذه الآية. Quelle est la preuve? Cette ayah. قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. Et c'est toutes sortes de shirk. Il n'a pas dit إن الله لا يغفر أن يشرك به الشرك الأكبر. Donc cette ayah là elle est ramée. Donc celui qui prétend qu'elle est chasse في الشرك الأكبر il doit ramener un dalil qui prouve que c'est seulement الشرك الأكبر. Donc comme il n'y a pas de dalil, donc on laisse la ayah في عمومها. On la laisse يعني avec son sens qui est large et qui comprend toutes sortes de shirk, que soit ashar ou bien le shirk est quoi qui est akbar. Ça c'est l'avis qui est sahih wallahu alam fi hadhihi al mas'ala. Naham qala wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Naham wa qala subhanahu wa ta'ala innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al jannah wa ma'wahu an nar wa ma lil zalimin min ansar. Celui qui associe Allah azza wa jalla فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Allah Azza wa Jal lui interdit l'entrée au paradis. Et cette entrée-là, c'est une entrée qui quoi? Abadiyan. Jamais de la vie, yani. Comme il dit subhanahu wa ta'ala, إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي السَّمَاءِ الْخِيَاطِ. Allah Azza wa Jal n'évoque dans cette ayah que ceux qui sont morts sur la mécréance, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas leur ouvrir les portes des cieux. C'est-à-dire qu'ils vont s'arrêter au premier ciel, comme c'est venu dans le hadith al-Bara ibn Hazm. Parce que Malak al-Maut, il prend l'âme de celui qui est mort sur le kufr. Après l'avoir appelé des noms, des plus mauvais noms, il a akhrihi. Donc il va la prendre, cette âme-là, et il va monter vers les cieux. Il va demander à celui qui est le gardien du premier ciel, qu'il lui ouvre la porte du ciel. Il va demander qui est avec toi. Ils vont dire c'est Fulan ibn Fulan avec les plus mauvais noms qui vont l'être donnés à ce moment-là. Ils vont lui dire on m'a pas ordonné d'ouvrir pour cette personne-là, d'ouvrir la porte du ciel pour cette personne-là. Et son âme va être rejetée. Et c'est ce qu'il dit subhanahu wa ta'ala. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Celui qui associe Allah عز وجل, c'est comme si jamais il était tombé du ciel. Et ça, c'est pas une métaphore ou bien c'est une chose qui va arriver pour toute personne qui sera mort sur le shirk. c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala va le laisser tomber hein, à partir de, du premier ciel, Malak al-Maut, il va le laisser tomber. Il va monter avec lui, il va le prendre dans ses mains, et lorsqu'on va lui dire l'accès est refusé, il va le jeter. فَخَرَّ مِنَ السَّمَاءِ Il va tomber. Du haut des cieux, فَتَخْتَفُهُ الطَّيْرِ Et les oiseaux vont venir, vont le prendre de droite à gauche, et vont le couper de droite à gauche, وَتَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانِ السَّحَقِ Et le vent va le prendre pour le jeter dans un مكان qui est بعيد, qui est lointain. فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ Le jannah, il lui est interdit. يعني مطلقا إيران با ضنفيو إصاب الإجماع كما قال بعد ذلك قال سبحانه وتعالى حتى تلج الجمل في سم الخياط il rentrera au paradis que le jour où la chamelle ou le chameau va rentrer dans le trou de l'aiguille donc une chose qui est impossible c'est-à-dire qu'il ne rentrera jamais au paradis أبدا من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه في الصحيح donc l'enfer le paradis Il lui est interdit. Donc l'enfer, ce sera l'enfer pour lui éternellement. Donc cela nous montre que si jamais le paradis lui est interdit éternellement, c'est-à-dire que c'est, il fait partie des gens de l'enfer. Donc ça fait partie des kafirs. Donc ça fait partie ash-shirk min nawaqid al-islam. Ça fait partie des annulatifs de l'islam. Naam. Qala wa ma'wahu an-nar. Hada kadhalika ça appuie que celui qui associe Allah Azza wa Jal, c'est un kafir billah. Pourquoi قال ومأواه النار ومأوى c'est un refuge c'est-à-dire c'est l'endroit où il ne sortira pas. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. Ils veulent sortir de l'enfer mais ils n'auront pas d'issue pour sortir de l'enfer. قال وما للظالمين من أنصار والظالم هنا بمعنى المشرك. Comme on a pu voir avec l'aya إن الشرك لظلم عظيم. Le shirk c'est le plus grand des ظلم. Donc celui qui fait du shirk c'est un ظالم. Tu peux dire c'est un ظالم. فالظلم ينقسم الى قسمين كما ان الشرك ينقسم الى قسمين الظلم الاكبر c'est celui qui fait sortir l'islam et c'est quoi c'est le shirk بالله عز وجل parce que le shirk c'est la plus grande injustice والظلم qui est اصغر c'est celui qui يعني ظلم نفسه lorsqu'il est injuste envers lui-même c'est-à-dire qu'il désobéit Allah عز وجل ou bien il fait une injustice à autre que lui à autrui وما للظالمين من انصار c'est-à-dire qu'il n'a pas de شفيع ça كذلك ça montre que c'est quoi c'est un kafir بالله Il n'a pas de shafi'a. Personne ne peut intercéder pour lui, Yawm al-Qiyamah. Ces trois choses-là nous montrent que le shirk billahi azza wa jalla, c'est un naqid. C'est un annulatif de l'islam. Pourquoi ? Parce que, qala harrama Allahu alayhi jannah. Interdit de rentrer au jannah. Éternellement. Abadiyan. Wa ma'wahu an-nar. Il n'en sortira jamais de l'enfer. Donc ça montre que c'est un kafir. Donc l'enfer, il est éternel pour lui. Qala wa ma'li zalimina min ansar. Et il n'aura pas de shafi' yawm al-qiyamah. Donc si jamais il n'a pas de shafi' ça montre qu'il ne fait pas partie d'ahl al-tawhid. Parce que qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala shafa'ati li ahli al-kaba'ir yawm al-qiyamah. Je vais intercéder pour les muwahhid, ceux qui ont fait des grands péchés yawm al-qiyamah. Je vais intercéder en faveur de ces personnes-là. Donc ça nous montre que même hatta ahl al-kaba'ir, ils ont droit à l'intercession. Ils ont droit à shafa'a. Donc si jamais il n'a pas droit à shafa'a, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie d'ahl al-tawhid. Donc ces trois choses-là nous montrent bien que le shirk billahi azza wa jal c'est un naqid min nawaqid l'islam. Ça fait partie des choses qui quoi qui annulent l'islam. Lakin ce qui voulu ici bi shirk innahu man yushrik billah c'est le shirk al-akbar. C'est le shirk qui est akbar. Pourquoi? Parce que le shirk al-asghar bil ijma' ça fait pas partie des annulatifs et ça va pas rendre sahibihi, il va pas être dans l'enfer éternellement. Adab bil ijma'. Donc on peut pas comprendre et interpréter cette ayah là en disant que ça englobe les deux shirk. Al-Akbar ou Asghar, c'est pas possible. Parce que ça nous montre, cette ayah-là nous montre que ce qui est voulu ici, c'est le shirk al-Akbar. Avec les trois choses qui ont été évoquées, qui montrent que c'est un enfer éternel, et qu'il n'a pas de shafi'a, et qu'il n'a pas d'intercédé, qu'il n'y a personne qui va intercéder pour lui. Parce que certains des ulama, ils ont pris cette ayah-là pour dire que ceux qui ont prétendu dans l'ayah précédente, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zaka ma yasha, ils ont dit, on prend l'ayah, comme on a pu évoquer, de manière générale. Al-Akbar ou Al-Asghar. Et ils disent pourquoi vous ne faites pas la même chose avec la deuxième ayah Innahu man yushrik billah kadhalika sa'am. Ça englobe le shirk akbar ou ashar parce qu'il n'a pas dit Innahu man yushrik billah al-shirk al-akbar. Donc là ils disent vous êtes en train de vous contredire. Dans la première ayah vous dites qu'elle est ram et dans la deuxième vous dites qu'elle est spécifique au shirk akbar. Lakin on dit qu'est-ce qui nous a poussé à dire que ce qui est voulu dans la deuxième ayah Innahu man yushrik billah faqad haram Allahu alayhi al-jannah ila akhirih. Que c'est le shirk akbar parce qu'il y a des choses qui viennent après et qui nous montrent que Allah Azza wa Jal n'a pas voulu dans cette ayah-là le shirk al-ashar. Pourquoi? Parce qu'il a dit Haram Allahu alayhi al-jannah. Jamais rentrera au paradis. Et c'est pas possible pour le shirk al-ashar. Wa ma'wahu an-nar. Il ira l'enfer éternellement. Et c'est pas possible pourquoi? Le shirk al-ashar. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Il n'aura pas de shafa'a. Et ça, c'est pas possible pour le shirk al-ashar. Donc, du fait que ça, c'est pas possible pour le shirk al-ashar, donc elle est pas. Le shirk al-ashar n'a pas été voulu dans cette ayah-là. Donc là, il est khas par rapport au shirk qui est quoi? Qui est akbar. Amma l'autre. La première, il n'y a rien qui interdit que ça rentre dans le shirk al-ashar. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Il y a des choses en dehors du shirk dont Allah Azza wa Jalla hatta kadhalika ne pardonne pas. Donc yani, le fait qu'Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas, ce n'est pas spécifique au shirk. Lakin kadhalika, celui qui aura tué une personne dont Allah Azza wa Jalla n'aura pas voulu le pardonner, il ne le pardonnera pas. Donc le fait qu'Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas, ça peut être un petit péché comme un grand péché. Il peut ne pas pardonner une petite action, un péché, un sarira, comme il peut ne pas pardonner une kabira. Donc c'est pas spécifique quoi au shirk. Amma le fait qu'Allah Azza wa Jal, par un péché interdit l'entrée au Jannah et que son refuge sera l'enfer éternellement et qu'il n'aura pas de shafi'a, ça c'est une chose, c'est un péché qui est propre à quoi? À un annulatif de l'islam. Et ce qui est voulu ici, c'est le shirk quoi? الأكبر نعم قال رحمه الله تعالى قال ومنه الذبح لغير الله عز وجل كمن يذبح للجن أو القبر أو للقبر كذلك يلايفوكي عندي أنواع من أنواع الشرك parce que الشرك في العبادة والعبادة c'est pas simplement الذبح لكن comme on a pu évoquer pourquoi il a évoqué الذبح هنا parce que c'est une chose qui est répandue énormément les gens lorsqu'ils égorgent ils égorgent pour un autre qu'Allah عز وجل ou yathkuruna ghayra Allah azza wa jal, ils évoquent le nom d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils égorgent. Fait ils disent yani bismi fulan hada la yajuz hada shirk kadhalika, même si jamais ils recherchent l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala wa wajh Allah, tam yanwi hadi dhabiha lillahi azza wa jal, il la consacre à Allah subhanahu wa ta'ala, lakin il évoque un autre nom que celui d'Allah azza wa jal inda at-tasmiyah, fait dit bismi fulan tam ou bismi عبد القادر الجناني ينسويت يفعل سبح الله هذا لا يجوز قال سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لا يذكر اسم الله عليه ne mange pas d'une chose dont le nom d'Allah عز وجل n'a pas été évoqué et le fait de dire بسم عبد القادر مثلا ça fait partie du shirk كذلك في الاستعانة parce que le bain vient معنى استعين والاستعانة c'est quoi c'est une عبادة تم إياك نعبد وإياك نستعين تم on prend j'implore le secours plutôt l'aide qu'auprès de toi. Donc là, le fait qu'il a dit Bismi Abd al-Qadir, il a demandé l'aide à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est du shirk. Même si jamais il dit j'ai fait que prononcer le nom d'un autre qu'Allah azza wa jalla, lakin mon cœur est pour Allah subhanahu wa ta'ala, la yanfa'uhu abadan. Ou celui qui dit Bismillahi, il évoque le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, lakin il intentionne dans cette dhabiha, yani que ce soit pour Abd al-Qadir al-Jinani ila akhiri. Fa hadha kadhalika, c'est le shirk, yani fi al-qasd, fi al-niyya. إنما الأعمال بالنية إسمية ستبور عبد القادر الجناني مثلا فإذا هذا كذلك سيد الشرك فالشرك في الذبح يبدخل دون كوا دون تسمية لفي ديبوكي أن أترك الله سبحانه وتعالى أو يبدخل سي كذلك بالنية دون intention et si jamais les deux sont réunis une intention pour autre qu'Allah عز وجل et il a évoqué un autre qu'Allah سبحانه وتعالى فهذا c'est du shirk يعني فوق الشرك لكن ها هنا pourquoi il a évoqué simplement الذبح parce que c'est une chose qui est énormément répandue. Donc ça a plus ce qu'on a pu voir au début, c'est que le cheikh al-Islam, al-Nazi rahimahullah ta'ala, il a voulu évoquer dans sa nawaqid de l'Islam celles qui étaient les plus répandues. Wa dalil zalika, lorsqu'il a évoqué le shirk, il a dit fil ibada, il a évoqué un nom min anwa' al-ibada. Il a évoqué yani az-zabh. Donc ça nous montre que quoi? Ce que il a voulu inchallah évoquer les nawaqid qui sont beaucoup répandues et dont les gens ils ignorent que ça fait partie des nawaqid. Qala kaman yazbah lil jinn أو للقبر. À partir du moment qu'il fait pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un shirk. قال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Allah عز وجل évoque bien dans cette ayah là que الذبح النسك, c'est-à-dire الذبح, وكذلك النحر, c'est-à-dire la manière dont qui est employée pour sacrifier la ibil, les deux sont pour Allah subhanahu wa ta'ala, لله, seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si jamais il fait pour le djinn ou le qabr ou le ghayrihi, c'est pas accepté awwalan, et thaniyan, on n'a pas le droit de manger cette viande là, et thaniyan, la personne qui a fait ça, il est sorti de l'islam. Donc inchallah tabarak wa ta'ala, ça c'est en résumé du premier naqid, et si jamais il y a des manquements inchallah, on fera ça dans le cours prochain inchallah tabarak wa ta'ala.